fly. Sur mes rails, cherche un my, my, my. 4 potes, ass up, face down. Grosse claque sur tes fesses. Wow, elle sait que j'ai le best style. Elle aime danser, best style. Baby, Rita, best life. À toi, j'vis ma best life. Tu mens, viens on face time. Viens on s'casse en next time. Baby, Rita, best life. À toi, j'vis ma best life. Tu mens, viens on face time. Viens on s'casse en next pas. Tu montes dans mon nest. Je suis dans tout tes wet dreams. J'aime trop quand on